Glasgow, mardi 28 octobre 2003. J'ai rêvé que j'invitais mes parents à une fête. C'était chez un ami collectionneur, dans une maison inimaginable, plein de monde avec un buffet extraordinaire. La meilleure et plus belle fête. Ça pourrait être chez Vincent de Forge. C'était à Mexico et il y avait aussi mon ami Miguel Cordera, invité à la fête. C'est bizarre, je me souviens qu'au lieu de s'embrasser, on restait l'un à côté de l'autre. On nous proposait de finir la fête à l'hôtel Presidente, qui est le plus grand. Cette fête est un des meilleurs plans à Mexico pour la veille du jour de l'an. À la fin de la fête, quand on est en train de manger les desserts, il y a des invités qui proposent de partir maintenant à l'hôtel, après le dessert, car il est déjà pas loin de 5 heures du matin. Vincent amène et amène encore des gâteaux et des bonbons. Il y en a beaucoup, trop. Et j'en garde dans un sac quelques-uns en même temps que j'en mange. Quelques bonbons. Je leur dis, c'est pour la décoration. Je peux faire quelque chose d'artistique, d'inespéré. J'en ai déjà mangé. Trop. Ensuite, on va à l'hôtel en voiture. Il y a beaucoup de trafic. Je dis à José qui conduit que les Mexicains aiment beaucoup se saouler la gueule et qu'il faut faire attention car il y en a plein d'accidents sur la route. On peut même voir des accidents en passant. Il faut prendre l'avenue Reforma et remonter jusqu'en haut. Ensuite, je me souviens du lendemain. Je suis avec Vincent au déjeuner, chez lui. Avant ça, j'ai des souvenirs de Vincent qui venait m'acheter un tableau. Il venait avec sa copine qui était une fille toute jeune. Elle respectait tout à fait Vincent et elle était un peu folichonne aussi. On est en train de déjeuner, on parle de la veille, tout s'est très bien passé, sauf qu'à la fin, en prenant tous ces gâteaux et ces bonbons, j'ai fait des jaloux. Cela n'est pas bien car tout le monde était gentil. Je ne comprends pas pourquoi alors. Il y avait déjà beaucoup à manger, il devrait être satisfait. On mange aussi très bien le lendemain, dans cette maison qui est un château. On mange de la salade, des fruits, des pêches, des raisins, du thon. La maison de Vincent me fait sentir très à l'aise. Il y a des tableaux qu'il m'a achetés et des tableaux d'autres artistes aussi. Il y en a un très grand, d'un artiste très connu, en couleur rose et verte clair, de quelqu'un qui pense, d'une pensée psychédélique ou très illuminée. Ensuite, je me souviens de voir un autre grand tableau avec une tête, aussi dans un fond de clair de lune. C'est très comique, très hippie, je trouve. Après le repas, on va dans le jardin. C'est énormément beau. La maison est déjà un vrai château et il habite tout seul et il y a une immense quantité de chambres. Les personnes qui travaillent avec lui sont des gens de confiance. La cuisinière est quelqu'un de très spécial. Elle est très proche de lui, c'est de l'or. Il y a un autre homme aussi avec lui, il a un beau sourire de confiance. Au bout d'un moment, je n'en peux plus, il faut que je prenne des photos. Il y a la mer bleue, les jardins avec les oiseaux et des chevaux blancs. Je prends mon appareil et je fais des vidéos plutôt que des photos. Même si la caméra montrera à peine une partie de cette réalité, ceci est suffisant pour voir la merveille et imaginer le reste. Alors je veux tout prendre. À partir de la mer en passant par les jardins et la maison. Il y a des gens qui se mettent à propos en face pour être pris par la caméra. Je recommence à chaque fois, pour de bon. Je montre avec soin aussi les vues que j'ai depuis mon espace, qui est un camion avec des fenêtres, comme une grande voiture. La mer bleue avec l'écume et les taches blanches, les oiseaux, les chevaux blancs, puis des montagnes comme la cordillère enneigée. C'est réellement magnifique. Ensuite, le passage des jardins avec les gens, ceci montre ce que c'est que l'abondance.